Bonjour, je m'appelle Mathilde Maigre en terminale 4. Pour cet oral, je vais vous parler de la journée d'immersion à l'ESA. Je suis allée à l'ESA en journée d'immersion, donc l'école supérieure d'art de Tourcoing, les 1 et 2 avril. Je savais avant d'y aller que l'école avait un diplôme jumelé à celui de l'Université de Lille. Donc pour avoir ce diplôme, on travaille dans les deux établissements et à la fin de l'année, on en a un plus complet que simplement, entre guillemets, à l'ESA ou à l'université. L'ESA, c'est plus se spécialiser dans la pratique, même s'il y a aussi de la théorie, alors que l'université, c'est purement de la théorie. Nous avons donc été par groupe de deux dans la classe de sculpture et d'installation avec Monsieur Hervé Lecieux. Nous avons donc été mêlés parmi les étudiants. Nous avons pu discuter avec eux, échanger quelques mots. Eux étaient concentrés sur la création, la conception pour l'instant de leur projet. Et une des étudiantes était même en train de mettre en pratique son projet. Ils étaient en fait en train de détourner un mot, par exemple chaise, pour essayer de trouver un verbe qui allait avec ce mot, donc chaiser dans ce cas-là, même s'il n'existait pas, ça allait. Et ils devaient faire une installation, une sculpture ou un assemblage d'objets à partir de ça. L'après-midi, après manger, nous sommes allés travailler la peinture et nous avons donc découvert une technique de peinture à l'œuf. Le professeur nous a d'abord expliqué comment fabriquer notre peinture, donc avec un acide, le jaune d'œuf, surtout pas mélangé au blanc, mélangé à des pigments. Et nous avons ensuite fait nos propres œuvres, nos propres projets, pardon, librement. On pouvait avoir un thème. Mais finalement, tout le monde a choisi de le faire librement et d'expérimenter les couleurs différentes ensemble. Notre journée s'est terminée comme ceci. Nous avions donc des peintures à ramener chez nous et une petite expérimentation de la journée. Le vendredi, le matin, la théorie des arts visuels s'est faite en visio. Donc c'était un cours de théorie cette fois-ci, pas de pratique comme le jeudi. Nous avons donc étudié les arts visuels, tout comme un cours normal. Et l'après-midi, nous avons fait de la gravure, de l'estampe et du dessin. Nous avons, comme en cours de spécialité art plastique l'année dernière, travaillé la gravure et sur des plaques de métal, et que nous avons ensuite fait imprimer sur du papier avec à l'aide d'une presse dans la salle spéciale de gravure. Nous avons réalisé avant ça notre propre pointe avec des machines, un clou et un bout de bois. Et donc nous avons ainsi expérimenté l'ESA, c'était très intéressant, très constructif, et en plus d'en savoir plus sur cette école, j'en ai retiré un petit peu d'apprentissage pratique sur la gravure et la peinture notamment. Merci d'avoir écouté, passez une bonne journée, au revoir!